Là bas c'est le paradis. Non c'est pas, non c'est pas. On m'a dit que c'était d'ici. Non c'est pas, non c'est pas. Je vais pas taper à toutes les portes. J'ai peur que le diable m'emporte. Indiquez-moi le chemin. Je vous paierai bien. Ouais, non c'est pas, non c'est pas. C'est le paradis, non c'est pas, non c'est pas. On m'a dit que c'était d'ici, non c'est pas, non c'est pas. J'ai jamais commis de faute, j'ai jamais trahi mes potes. Je vous en prie, voulez-vous bien me conduire bien? Ouais, non c'est pas, non c'est pas. Non, non c'est pas, non c'est pas. Mais passer le paradis, non c'est pas, non c'est pas. On m'a dit que c'était d'ici. Faudrait peut-être je m'en adieu aux apôtres ou dans les cieux. J'y pourrais même voir Adam aller en avant. Ouais, non, c'est pas, non, c'est pas. Non, non, c'est pas, non, c'est pas. Gardien de mon HLM, un certain Pierrot Blême, il paraît qu'il a la queue.